Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle aventure de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou. FM 89.1 à Trois-Rivières, vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de la mise en onde, du choix musical, de l'animation et de la recherche avec la complicité de Denis Marchand et Robert Blanchette. Aujourd'hui à l'émission, on aura Manfred Mann d'Angleterre, Holon de Norvège, The Watch d'Italie, Universal Totem Orchestra d'Italie, Izzamna de France, Maxophone d'Italie, Richard Barbieri, le claviériste de Porcupine Tree qui nous vient d'Angleterre. On a Nova Collective des États-Unis, Mike Keneally des États-Unis et en fin de bloc, un retour en arrière avec Deep Purple et surtout une nouveauté de Deep Purple qui est en instance de sortir. Alors on débute ça avec un retour en 1973 avec un des piliers du rock progressif britannique et je parle de Manfred Mann. Manfred Mann qui, dès 1972, a débuté une série d'albums studio qui s'est prolongée jusqu'en 2004. Il y a 15 albums studio à son actif et ce qu'on va entendre, c'est la pièce titre de Solar Fire. Ça a été très, très populaire en 1973. On va poursuivre avec une formation de Norvège du nom de Holon. C'est un nouveau groupe qui est sorti en 2016, c'est-à-dire. Ça tourne autour de Ronnie Pedersen, qui est un guitariste de Norvège, avec un collectif de collaborateurs dont Lars Fredrik Frosley de Warbler et White Willow, qu'on connaît bien, et Rich Marsh de Caucasus. Alors, on va entendre un extrait de ce nouvel album-là et on va conclure le bloc avec une formation italienne du nom de The Watch. The Watch qui est en instance aussi de sortir son 7e album studio d'ici quelques semaines, mais auparavant, on va entendre un extrait du premier album qui est paru en 2001, Ghost. Alors, on débute ça avec Manfred Mann. We'll be right back. to a sound safari. What are we? Why are we? Are we playing an untold story? Passion has increased in these last years. Not only complex, but easy man too. Can arrange flowers in the heat. Swords of sunlight pierce the ground through. With exact shapes and make the finest visible. Cobwebs seem as if they want to gather up her sleek hair. She walks across the clearings until the pine wood. Place where to be alone. Years and years meets together. The secret of a full life. Intense sexy stands. Ruby lakes shrouded in mist. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on débute le deuxième bloc, mais auparavant, on va faire un petit retour sur ce qui s'est passé avant la pause. On avait entendu The Watch, cette formation italienne, avec un extrait de leur premier album Ghost. Et la pièce s'intitule « And the Winner Is ». Ça a été précédé de Holon, cette formation de Norvège, et la pièce « The Belly of Being ». Ça, c'est extrait de leur premier album, le seul album « Always Now ». Et ça a été précédé en début de bloc de Manfred Mann's « Earth Band » et la pièce-titre de l'album « Solo Fire » qui est paru en 1973. Alors, pour débuter le deuxième bloc, on a une demande spéciale d'une auditrice de Montréal. Il s'agit de France, une fidèle auditrice, en fait, qui nous suit depuis les tout premiers épisodes de l'émission Rock de Neurones. Elle demande, en fait, quelque chose d'assez simple. Elle veut une pièce de prog au féminin. Alors, ça tombe à point parce que Universal Totem Orchestra d'Italie et sa chanteuse Anna Torres Freire vient de faire paraître leur troisième album studio. L'album s'intitule « Mathematical Mother » et on va entendre l'extrait « Architectural del Acqua », l'architecture de l'eau ou la composition de l'eau. Alors, ça sera suivi d'une formation française, « Itzamna », et cette formation vient de faire paraître son deuxième opus intitulé « Chascade » et j'en ai extrait trois pièces. Alors, on débute ça avec « Universal Totem Orchestra d'Italie ». Thank you.

Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, si on faisait un petit retour sur ce qu'on a entendu avant la pause, c'était Itzamna. C'est un groupe français. Et on a entendu la pièce Shalam. Ça, c'est extrait de Chascade. C'est leur deuxième album qui est paru en 2016. Et en début de bloc, nous avions Universal Totem Orchestra d'Italie avec la pièce Architectura dell'Acqua. Et ça, c'est extrait de leur troisième et plus récent album, Mathematical Mother. Alors, ce troisième bloc, on débute avec une nouveauté d'un vieux groupe, en fait. C'est le groupe Maxophone d'Italie. C'est un groupe culte des années 70, de qui on connaissait un seul album studio, un album éponyme paru en 1975. Et à part un petit retour sur la scène en 2014 à Tokyo, au Japon, où ils ont enregistré un album live, eh bien, c'était le silence total jusqu'à ce qu'on ait, en début d'année 2017, un très bel album qui s'intitule « La Fabbrica del Nuvole ». Et on va entendre la pièce-titre de cet album-là qui vient tout juste de paraître. Et ça sera suivi de Richard Barbieri. Richard Barbieri, qu'on connaît comme étant le claviériste de la formation Porcupine Tree. Il a aussi œuvré dans ses débuts avec la formation Japan, avec David Sylvian et Steve Jensen. Et il a eu une carrière solo d'à peu près une douzaine d'albums, avec des participations aussi, entre autres avec David Sylvian, bien entendu, et aussi Steve Hogarth de Marillion. Alors, il vient de faire paraître un tout nouvel album qui s'intitule Planets and Persona. Alors, Richard Barbieri. Et ça sera suivi d'un nouveau groupe, mélange américain-britannique. La participation britannique, ben, c'est deux membres de la formation Haken, qu'on connaît bien, surtout pour leur présence à Québec l'automne dernier. Il y a Richard Henshall, qui est le guitariste de Haken, qui fait partie de Nova Collective, ce nouveau groupe qui vient de faire paraître un nouvel album en 2017, The Further Side. On a aussi Pete Jones, un ex-Haken, qui participe à ce collectif-là. Et on va conclure avec Mike Keneally. Mike Keneally, qui a une formation musicale, et on lui connaît ses débuts comme musicien studio avec Frank Zappa, en fait aussi un musicien live, mais il a 13 albums studio depuis. Ça date 1992 à aujourd'hui, donc c'est assez prolifique. Et il vient de faire paraître Scambot 2. Alors, on va entendre un extrait. Et le batteur, c'est Marco Minemen du groupe Les Aristocrates. Alors, voici en début de bloc Maxophone. We'll be right back.

Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, nous sommes déjà rendus au quatrième bloc de l'émission et auparavant, avant la pause, nous avions entendu Mike Keneally avec la pièce Tom et ses extraits de Scambot 2. Ça, c'est paru en 2016 et auparavant, nous avions une nouveauté du côté des États-Unis avec Nova Collective et la pièce State of Flux. Ça, c'est tiré de l'album The Further Side. C'est paru il y a quelques semaines seulement. Et une nouveauté aussi de Richard Barbieri auparavant avec la pièce Solar Sea. Et c'est extrait de son nouvel album Planets and Persona. Et en début de bloc, nous avions la nouveauté du groupe Maxophone, la pièce titre de l'album La Fabrica del Nuvole. Alors, on va terminer avec une formation qui est très connue, Deep Purple. Plusieurs vont probablement se demander qu'est-ce que Deep Purple vient faire dans une émission de rock progressif. Eh bien, sachez que ce groupe-là a été qualifié de proto-prog par les puristes du rock progressif. Et proto vient du grec Proteus, qui signifie les premiers ou ceux qui sont arrivés avant. Alors, Deep Purple, au même titre que les Beatles, Jimi Hendrix et bien d'autres, ont ce qualificatif de proto-prog. Et ils viennent d'annoncer un nouveau disque qui va sortir en avril. Le titre, c'est-à-dire le titre d'album, c'est Infinite. Et déjà, il y a un mini-album qui est paru sur Internet avec la pièce Time for Bedlam. Et on va entendre aussi Uncommon Men, qui est extrait de ce même mini-album-là. Et pour ceux qui sont un peu nostalgiques et qui veulent savoir pourquoi Deep Purple est qualifié de prog, bien, on aura la pièce Child in Time. Alors, on commence ça avec Uncommon Men. Ça va être suivi de Time for Bedlam. Et on conclut avec Child in Time.

Alors, c'était Deep Purple avec la pièce Child in Time. Ça, c'est paru en 1970 sur l'album Deep Purple in Rock. Et on a présenté ça pour mettre en relief ce qui vient de sortir de Deep Purple, qu'on a entendu, Time for Bedlam et auparavant Uncommon Man. Ça, c'est un extrait de un EP, un mini-album qui est en préparation, en fait, qui est en avance sur ce qui va sortir en avril. L'album s'intitulera Infinite. Alors, ceci met fin à la programmation musicale de cette 153e émission de Rock de Neurones. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches matins de 10h à midi et les mercredis de 11h à 13h, toujours sur les ondes de CIFU, le FM 89.1 à Trois-Rivières. De plus, l'émission est disponible sur Internet via SoundCloud et vous n'avez qu'à taper Rock de Neurones dans la barre de recherche pour y accéder. Et si vous désirez connaître les détails exacts concernant les pièces, les albums et les artistes qui ont passé durant l'émission, vous n'avez qu'à consulter la page Facebook de Rock de Neurones. En plus de cette page-là, vous allez aussi avoir un lien qui vous amènera à plus de 80 émissions archivées. Alors, c'est la fin de l'émission et c'est Jimmy Farley qui vous invite à passer une belle semaine et à nous revenir la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.